Le soleil liquide par Alexandre Couperine. C'est avec une appréhension fort naturelle que moi, Henri Dibble, commence ici le véridique exposé de quelques importants et extraordinaires événements de ma vie. Plus d'un fait, que j'estime nécessaire de noter, excitera l'étonnement, le scepticisme et même la défiance des futurs lecteurs de mes mémoires. Je m'attends depuis longtemps à cette attitude et la trouve d'avance pleinement logique. Je dois même faire un aveu. Les années que j'ai passées, parties en pérégrination, parties au sommet du volcan Cayambe, si dans la République de l'Équateur, à 6000 pieds au-dessus du niveau de la mer, me semblent parfois ne pas appartenir à la vie réelle et n'avoir été que la fantasmagorie d'un songe extravagant ou le délire d'une passagère et stupéfiante démence. Cependant, l'absence de quatre doigts à la main gauche, des maux de tête intermittents et une nyctalopie prononcée me prouvent irréfutablement que je fus vraiment témoin des plus surprenants prodiges. Je ne saurais enfin regarder comme un songe, une chimère ou une illusion de l'esprit les 400 livres sterling que me versent régulièrement chaque trimestre messieurs E. Knitson et fils Regent Street 451. Cette somme représente la pension que m'a généreusement légué mon maître et patron, un des plus grands hommes qu'ait jamais connu le monde, disparu dans l'épouvantable naufrage de la goélette mexicaine Gonzales. J'ai terminé mes études à la faculté des sciences, section de physique et chimie, de l'Université royale, en l'an 1000 et quelques. Soit dit en passant, voici encore un nouveau et perpétuel souvenir de mes aventures. Non seulement, à l'heure de la catastrophe, quelques chaînes ou poulies m'arracha les doigts de la main gauche, non seulement mes nerfs visuels ressentirent une douloureuse commotion, etc., etc., mais en tombant à la mer, je reçus, j'ignore de quelle manière et à quel moment, un coup violent sur le sommet de la tempe droite. Ce coup, qui ne laissa presque aucune trace extérieure, eut sur ma mémoire une curieuse répercussion. Je me remémore fort bien, et mon imagination reconstitue exactement les mots, les personnes, les lieux, les sons et l'ordre des événements, tandis que j'ai perdu à tout jamais la notion des chiffres et des noms propres, des numéros de maison et de téléphone, et de la chronologie historique. Les mois, les années, les dates qui marquent les étapes de ma propre vie sont disparues sans laisser de traces dans ma mémoire, envolées toutes les formules scientifiques, bien que je puisse, en partant des plus simples, reconstruire par voie déductible les plus compliquées. Évanouis, les noms de famille et les prénoms de toutes les personnes que j'ai connues. Cette infirmité m'est fort pénible, car je ne tenais malheureusement pas de journal à l'époque de ma vie dont j'entreprends la relation. Cependant, deux ou trois carnets retrouvés intacts et quelques vieilles lettres me permettent jusqu'à un certain point de m'orienter. Bref, je terminai mes études et obtins le titre de licencié en physique 2, 3, 4 ou peut-être même 5 ans avant le commencement du XXe siècle. Juste à cette époque se ruina et mourut le mari de ma sœur aînée Maude, fermier du Norfolk, qui, plus d'une fois, pendant mes années d'étudiant, m'avait prêté son aide matérielle et surtout morale. Il croyait fermement que je poursuivrais ma carrière dans quelque université anglaise et, devenu au ciel de la science un astre brillant, laisserait tomber un rayon de gloire sur son humble famille. C'était un gai et solide gaillard, fort comme un bœuf, amateur de boxe, chansons et beuveries, un franc luron à la mode de la vieille et joyeuse Angleterre. Il mourut une belle nuit d'une attaque d'apoplexie, après avoir dévoré à son souper un quart de mouton du Berkshire, fortement relevé de seuil, et arrosé d'une bouteille de whisky et de 2 gallons de pale ale écossais. Ses souhaits et prédictions ne s'accomplirent point. Je ne réussis pas à prendre rang parmi les futurs savants, bien plus, je n'eus même pas la chance de trouver une place de précepteur ou de professeur dans quelque lycée ou collège. Je connus une longue et maudite période de cruelle et inexorable déveine. Au reste, qui donc, à part les rares favoris de la fortune, n'a pas senti plier ses épaules sous cet aveugle et stupide acharnement du destin? Mais vraiment, celui-ci me frappait avec une constance par trop opiniâtre. Je ne pouvais ou ne savais me caser dans aucune usine, dans aucun bureau technique. La plupart du temps, j'arrivais trop tard. la place était déjà occupée. Dans bien des cas, je m'apercevais vite que j'avais affaire à quelques louches et véreuses compagnies. Plus souvent encore, au bout de 2 ou 3 mois de travail, on me jetait à la rue sans me payer mes appointements. Je n'étais cependant ni timide, ni indécis, ni maladroit, et faisais preuve de docilité, de souplesse et de bon vouloir. Mais j'étais avant tout anglais, et respectais en moi le gentleman, représentant de la plus grande nation du monde. Pendant cette terrible période de ma vie, la pensée du suicide ne m'est jamais venue à l'esprit. Je luttais contre l'injustice du sort avec une froide et calme obstination, fermement convaincu que jamais, jamais, jamais anglais ne connaîtrait l'esclavage. Et finalement, le sort céda devant ma ténacité anglo-saxonne. J'habitais alors la plus sordide des sordides ruelles de Bethnal Green, tout au fond de l'East End. Un débardeur me louait pour 4 shillings par mois une couchette dissimulée derrière un rideau d'indienne. Je devais en outre servir d'aide-cuisinier à sa femme, enseigner la lecture et l'écriture à ses 3 aînés, laver la cuisine et balayer l'escalier. Mes propriétaires m'invitaient toujours cordialement à partager leur repas, mais je ne pouvais me décider à obérer leur misérable budget. Je dînais en face, dans un sombre sous-sol, et Dieu sait combien de cadavres de chats, chiens et chevaux pèsent sur ma conscience. Mais cette délicatesse, fort naturelle, me valait l'estime et l'attention de mon logeur, Master John Johnson. Quand la besogne pressait au dock d'East End et que la main-d'œuvre faisait défaut, il savait toujours me faire embaucher et s'arrangeait pour que l'on me confiât les corvées les moins pénibles. Je gagnais alors, comme en me jouant, mes 8 à 10 shillings par jour. Quel dommage que ce pieux et digne homme s'enivra comme un païen tous les samedis et montre à ces jours-là une aptitude toute particulière à la boxe. En plus de mes quotidiennes fonctions culinaires et de mes besognes fortuites sur le port, j'essayais bon nombre de ridicules, difficiles et originales professions. J'aidais à tondre les caniches et à couper la queue aux fox terriers, gardais la boutique d'un charcutier pendant son absence, mis en ordre des bibliothèques délaissées, tint la caisse d'un bookmaker, donnait par échappée des leçons de mathématiques, de psychologie, d'escrime, de théologie et même de danse, copiait d'assommants rapports et d'imbéciles romans, surveillait les chevaux de fiacre, pendant que les cochers s'empiffraient de jambon et de bière au cabaret. Affublé d'une casaque d'écuyer, je roulais les tapis et ratissais la piste d'un cirque pendant les entr'actes. Je m'exhibais comme homme sandwich. Pris à part à des matchs de boxe, catégorie des poids mi-lourds. Traduisis de l'allemand en anglais et vice-versa. Composais des inscriptions funéraires et pratiquais bien d'autres métiers encore. À vrai dire, je ne connus pas à proprement parler la gêne. J'avais un estomac de chameau et des poings solides, pesais 150 livres anglaises, jouissais d'un sommeil régulier et d'une grande vigueur d'esprit. Je m'étais si bien adapté à la pauvreté et aux privations que je trouvais le moyen d'envoyer de temps à autre quelques subsides à ma jeune sœur Esther, abandonnée avec 2 enfants sur le pavé de Dublin par son Irlandais de mari, acteur, ivrogne, menteur, vagabond et débauché, et pouvait même suivre passionnément les progrès de la science et les vicissitudes de la vie publique, lire les journaux et revues scientifiques, acheter des bouquins, m'abonner à un cabinet de lecture. J'eus même à cette époque le bonheur de faire 2 insignifiantes découvertes, un petit appareil avertissant automatiquement les mécaniciens de locomotive de la fermeture des sémaphores en cas de brouillard ou de tempête de neige, et une lampe à souder à flamme hydrogénée presque inextinguible. Je ne profitais point, il est vrai, de ces inventions. Mais d'autres surent en tirer parti. Je demeurais fidèle à la science, tel un chevalier d'autrefois à sa dame, et ne cessais jamais d'attendre le moment béni où mon adoré m'accorderait son plus radieux sourire. Ce sourire ensoleilla mon âme de la manière la plus imprévue et la plus prosaïque. Un matin brumeux d'automne, mon logeur, le brave Master Johnson, courut chercher la boutique d'en face, de l'eau bouillante pour son thé et du lait pour ses marmots. Il revint le visage radieux, fleurant le whisky à pleine bouche, et brandissant un journal encore humide et puant en l'encre. Il me le fourra sous le nez, en m'indiquant un passage noté d'un coup de son ongle sale. « Regardez, old boy, » s'écria-t-il, « si ces lignes ne sont pas votre intention, je consens ne pas savoir discerner le coq de l'anthracite. » Je lus, non sans intérêt, l'annonce suivante. Messieurs E. Needston et fils, agent d'affaires, Regent Street, 451, recherche un jeune homme de 22 à 30 ans pour un séjour de 3 ans à l'Équateur en vue de recherche scientifique. Le postulant devra être de nationalité anglaise, de santé irréprochable, discret, courageux, sobre et endurant, célibataire avec le moins possible de relations de famille et autres. Appointement de début, 400 livres sterling par an. Connaissance d'une ou mieux deux langues étrangères, français et allemand, indispensable. Instruction universitaire désirable. La place sera plus facilement accordée à un gentleman possédant de bonnes notions théoriques et pratiques en physique et en chimie. Se présenter tous les jours de 9 à 10 heures. Je puis citer fort exactement cette annonce en ayant conservé dans mes rares papiers une copie hâtive, il est vrai, et effacée par l'eau de mer. La nature, mon fils, t'a doué de longues jambes et de poumons solides, déclara Johnson en me donnant sur le dos une tape d'encouragement. Eh bien, chauffe la machine et file à toute vapeur. Les jeunes gentlemen de santé parfaite et de conduite irréprochable doivent en ce moment affluer là-bas plus nombreux qu'un jour de derby. Anna, vite, prépare-lui des sandwichs au jambon et aux confitures. Dieu sait combien d'heures il lui faudra faire antichambre. Allons, bonne chance, mon brave ami, en avant, vaillante Angleterre. J'arrivais tout juste à temps à Regent Street et remerciais mentalement la nature de m'avoir pourvu d'un excellent appareil ambulatoire. Le domestique qui m'ouvrit la porte me dit sur un ton de condescendante familiarité « Vous avez de la chance, mister, c'est le dernier numéro. » Et il appendit immédiatement au ventail extérieur de la porte la pancarte fatale. La réception des postulants est terminée. Dans une salle obscure, étroite et passablement crasseuse, comme le sont presque toutes les salles de réception des remueurs des millions de la City, attendaient une dizaine d'individus affalés le long du mur sur des bancs de bois graisseux, luisants et noirs de vieillesse, au-dessus desquels une large bande sale courait à hauteur de nuque sur les vieux papiers peints. Mon Dieu, quel piteux ramassis de meurtres de faim, loqueteux, claque-dents et galfretiers. Un véritable musée des horreurs. À la vue de ces faces terreuses, de ces regards obliques, jaloux, soupçonneux, de ces mains tremblantes, de ces haillons sordides, à l'odeur invétérée de pauvreté, d'alcool et de mauvais tabac, mon cœur se serra involontairement de pitié et d'amour-propre humilié. Quelques-uns de ces honorables gentlemen n'avaient pas encore atteint 17 ans. D'autres, au contraire, avaient depuis longtemps dépassé la cinquantaine. Les unes après les autres, ces pâles ombres se glissaient dans le cabinet et en ressortaient bientôt avec l'air de noyé que l'on vient de retirer de l'eau. J'avais honte de m'avouer infiniment plus sain et plus fort que tous ces marmiteux pris ensemble. Enfin, mon tour arriva. Quelqu'un ouvrit intérieurement la porte du cabinet et, invisible derrière elle, glapit d'une voix aigre, saccadée et dédaigneuse. « Le numéro 18 est, grâce à Dieu, dernier. » Je pénétrai dans un cabinet, presque aussi délabré que la salle. Un meuble recouvert d'une toile cirée déchirée l'ornait. Deux chaises, un divan et deux fauteuils sur lesquels étaient assis deux messieurs âgés. Tous deux paraissaient de taille moyenne, mais le plus vieux, accoutré d'un long veston de travail, était maigre, brun, jaune de visage et sévère d'aspect, tandis que l'autre, revêtu d'une redingote neuve à revers de soie, se prélassait nonchalamment, les jambes croisées, et étalait un teint vermeil, des yeux bleus et des joues rebondies. Je me nommai et saluai ces messieurs d'une inclination de tête, légère mais suffisamment respectueuse. Puis voyant qu'on ne m'offrait pas de siège, je me disposai à prendre place sur le divan. « Attendez, fit l'homme brun, enlevez d'abord votre veste et votre gilet, le docteur va vous examiner. » Je me rappelais le passage de l'annonce exigeant une irréprochable santé et obtempérais sans mot dire à cette injonction. Le gros homme se leva paresseusement et, m'enlaçant du bras, colla son oreille à ma poitrine. « Enfin, jeta-t-il négligemment, celui-ci au moins porte du linge propre. » Il ausculta attentivement mes poumons et mon cœur, me frappa des doigts sur le dos et le thorax, puis m'ayant fait asseoir, vérifia les réflexes nerveux de mes genoux et finalement déclara en traînant les mots « Il se porte comme un poisson dans l'eau, mais n'a peut-être pas suffisamment mangé ces derniers temps. Pure bagatelle d'ailleurs, affaire d'une quinzaine de bonnes nourritures. Fort heureusement pour lui, je n'ai même remarqué aucune trace de surmenage sportif, comme il est de règle chez les jeunes gens. En un mot, Mr. Nilsson, je vous recommande ce gentleman comme un excellent et presque parfait spécimen de la saine race anglo-saxonne. Vous n'avez plus, je crois, besoin de moi. Vous êtes libre, docteur, répondit l'homme maigre. Mais bien entendu, vous me permettrez de vous faire signe demain matin au cas où je devrais encore recourir à votre compétence. Toujours à votre service, Mr. Nilsson. Quand nous fûmes seuls, l'homme d'affaires s'assit en face de moi et me dévisagea attentivement. Il avait de petits yeux clairs et perçants, sclérotiques complètement jaunes et à iris couleur de café. Quand il regardait fixement, de fines pointues et brillantes aiguilles semblaient par moments s'échapper de ses minuscules pipis bleus. « Causons, » dit-il d'une voix saccadée. « Vos noms, prénoms, origine, lieu de naissance ?» Je lui répondis sur le même ton sec et rapide. « Instruction, université royale. Spécialité, faculté des sciences, section physique. Langue étrangère ?» Je parle assez couramment l'allemand. Je comprends le français quand on le parle lentement, en détachant les mots. Je lis sans difficulté et baragouine, s'il le faut, trois ou quatre douzaines des phrases les plus indispensables. Vos parents et leur position sociale. Cela ne vous est-il pas indifférent, Mr. Nilsson ? Oh, totalement. En ce qui me concerne personnellement, du moins, j'agis pour le compte d'un tiers. Je lui fis rapidement connaître la situation de mes deux sœurs. Pendant mon récit, il s'absorba dans la contemplation de ses ongles, puis, me perçant de regards aigus comme des aiguilles, reprit son questionnaire. « Buvez-vous ? Et combien ?»« De temps à autre, une demi-pinte de bière en dînant. »« Célibataire ? Oui, sœur. »« Auriez-vous la sotte intention de vous marier ? Oh non. »« Pas de fil à la patte ? Non, sœur. Mm-hmm. »« Quelles sont vos occupations actuelles ?» À cette question, je fis une réponse concise mais véridique, négligeant pour économiser le temps cinq ou six de mes professions accidentelles. « Parfait, » conclut-il lorsque j'eus terminé. « Avez-vous en ce moment besoin d'argent ?»« Non, j'ai de quoi manger et me vêtir. Je trouve toujours du travail. Je me tiens autant que possible au courant des progrès de la science. Tôt ou tard, j'en suis sûr, je ferai mon chemin. »« Désirez-vous une avance ?»« Non, cela est contraire à mes principes. Et d'ailleurs, nous n'avons encore rien conclu. »« Vos principes ne sont pas mauvais. Il est fort possible que nous nous entendions. Écrivez ici votre adresse. Je vous préviendrai. Et probablement bientôt. Au revoir. Pardon, Mr. Nilsson, répliquai-je. J'ai répondu avec la plus grande franchise à vos questions parfois un peu délicates. J'espère que vous me permettrez de vous en poser une à mon tour, s'il vous plaît. Le but du voyage ? Et cela ne vous est-il pas indifférent ? Mettons que non. Un but purement scientifique. C'est un peu vague. « Vague ?» s'écria Mr. Nilsson, dont les yeux cafés lancèrent cette fois des gerbes d'aiguilles. « Vague ? » « Auriez-vous l'insolence de supposer que la maison Nilsson et fils, qui existe depuis 150 ans et jouit de la confiance de toute l'Angleterre commerciale et financière, puisse vous faire une proposition déshonnête ou simplement susceptible de vous compromettre ? Ou que nous nous chargeons d'une affaire sans posséder de surgarantie de son absolue correction ? Oh, sœur, je ne me permets pas d'en douter. « Bien !» interrompit-il en se calmant subitement, comme une mer en courroux dans laquelle on aurait versé quelques tonnes d'huile. Voyez-vous, primo, j'ai pris l'engagement de ne vous communiquer les détails essentiels que lorsque vous aurez pris place sur le vapeur partant de Southampton. Pour, demandai-je rapidement, je ne puis encore vous le dire. Secondo, j'avoue ne pas très bien saisir moi-même le but de votre voyage, si tant est que celui-ci ait jamais lieu. C'est étrange, fort étrange, approuva l'homme d'affaires. Et même, si vous le voulez, j'ajouterai, c'est fantastique, inouï, merveilleux, grandiose et téméraire jusqu'à la folie. J'étais en droit de murmurer à mon tour. Mm-hmm. Et je ne laissais pourtant échapper ce monosyllabe que du bout des lèvres. Attendez, poursuivit Mr. Nilsson en s'animant soudain. Vous êtes jeune. J'ai 25 ou 30 ans de plus que vous. Vous ne vous étonnez déjà plus de bien des conquêtes de l'esprit humain. Mais si quelqu'un m'avait prédit à votre âge qu'un jour viendrait où je travaillerais le soir à la lumière de cet invisible fluide, l'électricité, où je m'entretiendrais avec mes amis à 80 milles de distance, où je verrais sur un écran se mouvoir, rire et grimacer des figures humaines, où l'on télégraphierait sans fil, etc. J'aurais sans hésiter parié mon honneur, ma liberté et ma carrière contre une pinte de mauvaise bière que j'avais affaire à un illuminé. Dois-je en conclure qu'il s'agit de quelque nouvelle invention ou découverte prodigieuse? Oui, si vous le voulez. Ne me jetez donc pas ces regards méfiants et soupçonneux. Que diriez-vous, par exemple, si votre jeune énergie, vos forces et votre savoir étaient mis à contribution par un grand savant, qui étudie, disons, le problème de transformer les éléments constitutifs de l'air en une matière nutritive, agréable au goût et d'un prix de revient presque nul? Si l'on vous demandait de travailler à la réorganisation et l'embellissement du monde, de consacrer votre puissance créatrice et votre vigueur intellectuelle au bonheur des générations futures, que diriez-vous? Tenez, voici un exemple vivant. Regardez par la fenêtre. Obéissant involontairement à son geste brusque et impérieux, je me levai et plongeai la vue au travers des vitres troubles. Dans la rue, un lourd brouillard étendait entre le ciel et la terre d'épaisses couches de ouates sales, d'un gris noir rouillé, dans lesquelles se délayaient les taches jaunâtres des réverbères. Il était 11 heures du matin. « Oui, oui, regardez, » insista Mr. Nixon. « Regardez attentivement. Maintenant, supposez qu'un philanthrope de génie vous convie à la tâche sublime d'assainir et d'embellir le monde. Il vous dira que tout sur terre dépend de l'intelligence, de la volonté et du travail des hommes. Il vous dira que si, dans son juste courroux, Dieu s'est détourné de l'humanité, celle-ci trouvera son appui en sa propre intelligence vraiment incommensurable. Il vous dira que les brouillards, les maladies, les climats, les bancs, les éruptions de volcans, tous ces phénomènes sont soumis à l'influence et au contrôle de la volonté humaine. Il vous dira enfin que le globe terrestre peut être converti en un véritable paradis et son existence prolongée de quelques centaines de milliers d'années. Que répondriez-vous à cet homme? Et si celui qui m'offre de vivre ce rêve enchanteur se trompe, si je deviens le jouet involontaire d'un monomane, d'un maniaque, d'un démon? Mais Sanditson se leva et me tendant la main en signe d'adieu proféra solennellement. Non. À bord du vapeur, dans 2 ou 3 mois, si bien entendu nous tomberons d'accord, je vous révélerai le nom de ce savant et le but qu'il poursuit. Et vous vous découvrirez en signe de profond respect pour l'homme et l'idée. Mais personnellement, je suis malheureusement un profane, Mr. Dibble. Je ne suis qu'un homme d'affaires, dépositaire et représentant des intérêts d'autrui. Après une telle réception, je me tins pour assurer que la destinée s'était enfin lassée de me montrer inexorablement le dos et se décidait à me laisser entrevoir sa face mystérieuse. Aussi, dès le soir même, consacrai-je mes dernières économies à un festin d'un luxe inouï, jambon bouilli, punch, plum pudding et chocolat chaud, auquel je conviais l'honorable couple Johnson et les 6 ou 7 jeunes Johnson, le nom exact m'échappe. Les claques amicales de mon brave propriétaire bleuirent et démanchèrent presque mon épaule gauche. Je ne m'étais pas trompé. Le lendemain soir, je reçus ce télégramme. « Vous attend demain midi, Regent Street, 451, Nixon. » J'arrivais au rendez-vous seconde pour seconde. L'agent d'affaires n'était pas à son étude, mais son domestique me conduisit obligeamment jusqu'à un restaurant qui faisait le coin de la rue à quelques 200 pas. Mr. Nixon occupait seul un petit cabinet. Rien en lui ne rappelait l'homme expansif et quelque peu poète qui m'avait si chaleureusement prédit l'avant-veille la félicité des générations futures. Non, je retrouvais devant moi l'individu sec et taciturne qui m'avait dès l'abord ordonné de me dévêtir et interroger ensuite aussi méticuleusement qu'un juge d'instruction. « Bonjour, asseyez-vous, » dit-il en me désignant une chaise. « C'est l'heure de mon déjeuner, et celle à laquelle je suis le plus libre. Bien que j'aie non Nixon et fils, je suis célibataire et sans famille. Désirez-vous manger, boire ? » Je le remerciais et commandai du thé et des tranches de pain grillé. Mais Stanitson mangeait rapidement, buvait à petit train un vieux verre de Porto et ne soufflait mot. De temps à autre, ses yeux me décochaient un faisceau d'aiguilles étincelantes. Finalement, il s'essuya les lèvres, jeta sa serviette sur la table et demanda « Alors, vous consentez ?»« Acheter le chat en poche ?» interroge à mon tour. « Non !» s'écria-t-il d'un ton fâché. « Les conditions précédentes restent in statu quo. Avant votre départ, je vous communiquerai tous les renseignements que je possède. S'ils ne vous satisfont pas, vous serez libre de ne pas signer le contrat et je vous payerai une certaine somme en dédommagement du temps que vous auront fait perdre nos inutiles conversations. » Je le considérais longuement. Toute son attention était en ce moment consacrée à briser 2 noix dans ses mains repliées l'une sur l'autre. les aiguilles acérées de ses yeux se dérobaient derrière le rideau des paupières. Et à cet instant, dans une subite illumination, j'aperçus sur le visage de cet homme toute son âme étrange de formaliste et de joueur, de spécialiste étroit et d'audacieux rêveur, esclave de ses habitudes professionnelles et chercheur secret d'aventure, ce chicaneur capable de faire incarcérer un adversaire pour 2 pence n'eût pas hésité à sacrifier pour un fantôme d'idées toute la vie qu'une vie de forçat lui avait permis d'amasser. Cette pensée avait à peine eu le temps de traverser mon esprit avec la rapidité de l'éclair que Mr. Nixon ouvrit les yeux, comme si un courant invisible eût soudain établi le contact entre son âme et la mienne, écrasa les noix d'un dernier effort et me sourit d'un clair, enfantin et presque espiègle sourire. « Après tout, vous risquez peu de choses, mon cher Mr. Dibble. Avant votre départ pour les régions australes, je vous confierai quelques commissions sur le continent. Elles n'occasionneront pas une grande dépense de votre bagage scientifique, mais nécessiteront une minutieuse précision et une exactitude toute mécanique. Cela vous demandera environ 2 mois, 6 semaines au plus. Vous devrez prendre en livraison, dans différents pays de l'Europe, de quelques objets en verre très chers et très fragiles, et de certains instruments de physique d'une finesse et d'une sensibilité extraordinaires. Je laisse entièrement à votre dextérité et savoir-faire le soin de les emballer et de veiller à leur transport par fer et par mer. Vous avouerez qu'un porteur ou un matelot ivre, d'un regard de guerre à jeter une caisse par une écoutille, et peut en un clin d'œil mettre en miettes une lentille biconvexe à laquelle auront travaillé des dizaines d'ouvriers pendant des dizaines d'années. Un observatoire, songeai-je avec joie. Évidemment, il s'agit d'un observatoire. Quel bonheur! Je t'ai enfin attrapé par la queue, insaisissable destinée. Je m'aperçus qu'il avait deviné ma pensée. Ses yeux brillèrent d'un plus joyeux éclat. Pour ce premier travail, je laisse de côté, si vous le voulez bien, la question rémunération. Cette vétille ne soulèvera certainement entre nous aucune difficulté, mais, il éclata soudain d'un rire jeune et insouciant, je désire attirer votre attention sur un point vraiment curieux. J'ai eu entre les mains de 10 à 20 000 affaires extraordinairement intéressantes, dont certaines relatives à des sommes considérables. Je me suis plus d'une fois fourvoyé, en dépit de toute ma scrupuleuse ponctualité et ma casuistique raffinée. Eh bien, chaque fois que j'ai laissé de côté toutes les ruses de métier et me suis contenté de regarder simplement les gens dans les yeux, comme je vous regarde en ce moment, je ne me suis jamais trompé et n'ai jamais eu à me repentir d'une décision prise. Ses regards étaient clairs, fermes, confiants, caressants. À cette minute, ce petit homme brun, au visage jaune et ratatiné, saisit pour ainsi dire mon âme dans ses mains et la subjugua définitivement. « Soit, dis-je, je vous crois. Je suis désormais à vos ordres. »« Oh, pourquoi si vite ?» répliqua très cordialement M. Nixon. « Nous ne sommes pas si pressés. Nous avons encore le temps de prendre une bouteille de claret. » Il pressa le bouton de la sonnette. « Puis vous ferez vos bagages et... » Mettrez ordre à vos affaires et ce soir, à 8 heures, vous voudrez bien vous trouver à bord du vapeur Léon et Madeleine, où je viendrai vous remettre votre itinéraire exact, des chèques sur diverses banques et de l'argent pour vos dépenses personnelles. Mon cher jeune homme, je bois votre santé et à vos succès. Ah, si vous saviez, s'écria-t-il dans un transport inattendu d'enthousiasme, si vous saviez comme je vous envie, mon cher Mr. Dibble. À moitié sincère, je lui répliquai, légère et innocente flatterie, « Qui vous retient, mon cher Mr. Nixon ? Je vous jure que vous êtes, de cœur, aussi jeune que moi. » Il plongea dans son verre son long nez finement contourné, se tut quelques instants et grommela dans un soupir de sincérité. « Qui me retient ? Mon étude, qui date presque des Plantagenets, mes ancêtres, les innombrables liens qui m'unissent à mes clients, collaborateurs, amis et ennemis, et bien d'autres raisons, qu'il serait trop long d'énumérer. » « Ainsi, mon cher, vous ne conservez plus aucun doute. »« Aucun. Dans ce cas, trinquons et chantons rôle britannien. » »« Aussitôt dit, que fait ?» Et tous deux, le camailleur encore vagabond et l'homme d'affaires qui, du front de son obscur et sale cabinet, influait sur le sort des puissances et des capitaux européens, nous entonnâmes, le plus faussement du monde, « Rule Britannia, Britannia rule the waves, Britons never rebel slaves. » Le garçon entra et s'adressant avec déférence à Mr. Nixon. « Pardonnez-moi, sœur, je vous écoutais avec ravissement et n'ai jamais entendu mieux chanter même à Covent Garden. Toutefois, dans le cabinet voisin se réunissent quelques amateurs de musique française médiévale. Je ne sais si je vous redis bien exactement le titre de leur club, mais en tout cas, ces honorables gentlemen ont l'oreille fort capricieuse. « Vous avez raison, » répondit modestement l'homme d'affaires. « C'est pourquoi je vous prie d'accepter en souvenir ce jeton jaune à l'effigie de notre bon roi. » Je transcris, tel que je la trouve notée sur mon carnet, la liste des maisons que je visitais après avoir franchi la Manche, Razmovski à Paris, Repsol à Hambourg, Zeiss, Schottfrère et Slatf à Jena, Fraunhofer, Utschneider et Merz à Munich, Schick, Benek et Bassermann à Berlin. D'une précision méticuleuse, l'itinéraire composé par Mr. Nitson, écrit de sa propre main, indiquait jusqu'aux heures des trains et aux adresses de confortables hôtels anglais. Mais là aussi sa bizarre et originale nature ne manqua pas de se révéler. Dans le coin d'une des pages couvertes de sa ferme écriture pointue, il avait crayonné cette courte sentence « Si Chance & Co. étaient de véritables Anglais, ils ne négligeraient pas leurs affaires, et nous n'aurions pas besoin d'aller demander nos instruments de physique aux Français et aux Allemands. » Je le dis en toute franchise et sans vanterie aucune, je ne me départis nulle part de la dignité voulue, parce qu'à toutes les minutes critiques retentissait à mes oreilles la voix chevrotante de Mr. Nitson « Jamais, jamais Anglais ne sera esclave. » Au reste, je n'eus pas à me plaindre d'une insuffisance d'attention et de prévenance de la part des savants opticiens et célèbres fabricants d'instruments de précision. Mes lettres de recommandation, signées de longues et noires pattes de mouche complètement indéchiffrables et fort lisiblement contresignées par Mr. Nitson, furent la baguette enchantée qui m'ouvrit porte et cœur. J'observais avec un profond et toujours croissant intérêt le polissage de lentilles convexes et concaves et l'ajustage d'ingénieux, délicats et merveilleux instruments de cuivre ou d'acier scintillant dont toutes les vis, rayures et tubulures étincelaient. Quand on me montra pour la première fois dans une des plus fameuses usines du monde un réfracteur de 1,35 m à peu près terminé et qui n'avait plus besoin que de 2 à 3 années de polissage définitif, mon enthousiasme et mon attendrissement devant la puissance de l'esprit humain me coupèrent la respiration et arrêtèrent les battements de mon cœur. Mais je fus étrangement surpris de l'insistance avec laquelle ces hommes sérieux et savants essayèrent tous, secrètement les uns des autres, de pénétrer les intentions de mon mystérieux patron. Parfois, avec finesse et subtilité, parfois avec une maladresse grossière, ils tâchèrent de me tirer les vers du nez et de connaître les détails et le but de mon voyage, les adresses des maisons avec lesquelles nous étions en relation, le caractère et la destination de nos commandes dans d'autres fabriques, etc. Mais j'avais été très sérieusement averti par Mr. Nitson des dangers du bavardage, et d'ailleurs, qu'aurais-je pu révéler en admettant que je consentisse à parler? Je ne savais absolument rien, et errais à tâtons comme dans une forêt inconnue la nuit. Je prenais livraison, en les confrontant aux plans et graphiques qui m'avaient été remis, des engins les plus hétéroclites. Étranges lentilles, tubes et canules métalliques, verniers, vis microscopiques, pistons en miniature, obturateurs, lourdes cornues de forme bizarre, manomètres, presse hydraulique, une multitude d'appareils électriques inconnus de moi jusqu'alors, quelques loupes très puissantes, 3 chronomètres et 2 scaphandres. Une seule chose me paraissait de plus en plus évidente, l'entreprise à laquelle je prêtais mon aveugle concours n'avait rien de commun avec l'installation d'un observatoire, et la vue des objets qu'on me livrait n'autorisait même aucune conjecture sur l'usage auquel ils étaient destinés. Je ne pouvais que soigner avec une attention croissante leur emballage et inventer sans cesse d'ingénieux procédés pour les garantir de tout choc, bris ou bosselure. Je me délivrais des questions indiscrètes en me taisant subitement et en projetant, sans émettre un son, de pétrifiants regards sur la racine du nez de l'important. Une fois cependant, je dus involontairement avoir recours à un genre d'éloquence fort convaincant. Un gros Prussien, plein de morgue et d'aplomb, eut l'audace de m'offrir 200 000 marks pour lui révéler le secret de notre entreprise. Cela se passait à Berlin, dans une chambre d'hôtel au 4e étage. En quelques mots sévères, je fis remarquer à ce gras et insolent animal qu'il avait l'honneur de parler à un gentleman anglais. Mais hennissant comme un percheron, il me frappa familièrement sur l'épaule et s'écria « Eh, mon très cher, trêve de plaisanterie, nous en comprenons fort bien le prix et la signification. Vous trouvez la somme insuffisante? un genre d'affaires avisé et intelligent, nous pourrons très bien tomber d'accord. » Son ton trivial et ses gestes grossiers me déplurent fort. J'ouvris tout grand l'énorme baie de ma chambre, lui montrant le pavé du doigt, prononçai fermement. « Un mot de plus, et pour sortir d'ici, vous n'aurez pas besoin d'ascenseur. Allons, oust ! Un, deux. » Il pâlit, se leva, fou de peur et de rage, grommela quelques injures en son grasseyant jargon berlinois, et sortit en claquant si fort la porte que le plancher trembla, et que tous les objets disposés sur ma table sursautèrent. Amsterdam fut ma dernière étape sur le continent. J'ai été porteur de lettres d'introduction pour deux des plus célèbres lapidaires de cette ville, messieurs Mass et Daniez, israélites intelligents, polis, graves et méfiants. Quand j'allais les voir, l'un après l'autre, Daniez insinua dès l'abord : Vous avez aussi, n'est-ce pas, une commission pour monsieur Mass ? Et Mass, dès qu'il eut pris connaissance de ma lettre, sans qui, bien entendu, vous avez déjà vu monsieur Daniez. Tous deux firent preuve dans leur relation avec moi d'une circonspection et d'une méfiance en borne. Ils tinrent de longs conciliabules, envoyèrent de tous côtés des télégrammes chiffrés et en clair, prirent sur mon compte les informations les plus précises et les plus détaillées, etc. Le jour de mon départ, ils se présentèrent chez moi. Leurs paroles et leurs gestes étaient empreints d'une solennité biblique. « Pardonnez-nous, jeune homme, et ne prenez pas pour une marque de défiance la communication que nous allons vous faire, » déclara Daniels, le plus âgé et le plus important des deux. Tous les vapeurs de la ligne Amsterdam-Londres fourmillent ordinairement de pickpockets de haute volée. Nous n'avons, il est vrai, souffle les mots à âme qui vive, de votre honorable commande, mais qui peut garantir que l'un et l'autre de ces malins, rusés, parfois géniaux et gros fins, n'aient pas réussi à pénétrer notre secret. Aussi n'estimons-nous pas inutile de vous mettre sous l'invisible mais sûre protection d'agents de police expérimentés que d'ailleurs vous ne remarquerez probablement pas. Vous savez que prudence est mère de sûreté. Convenez que vos commettants et nous serons infiniment plus tranquilles si pendant votre traversée, les objets que vous transportez ne cessent pas un instant d'être soumis à une vigilante surveillance. Après tout, il ne s'agit pas d'un porte-cigare en cuir, mais de deux joyaux qui valent bien, l'un de l'autre, la bagatelle d'un 1 300 000 francs, et qui n'ont pas leur pareil dans tout l'univers. Du ton le plus sincère et le plus aimable, je m'empressai d'assurer l'honorable lapidaire que j'approuvais pleinement ses sages et clairvoyantes considérations. Ma docilité sembla le disposer encore davantage en ma faveur. Il me demanda d'une voix basse où je discernais un tremblement respectueux « Ne voulez-vous pas maintenant y jeter un coup d'œil ?»« Avec plaisir, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, » répondis-je en dissimulant avec peine ma curiosité. Tels des prêtres accomplissant un rite sacré, les deux juifs tirèrent en même temps de la poche de côté de leur longue redingote Daniels un écrin de chêne, Mass un écrin de cuir rouge. Ils en ouvrirent religieusement les fermoirs d'or et soulevèrent les couvercles. Les deux coffrets, doublés intérieurement de velours blanc, me parurent tout d'abord vides. Mais en me penchant sur eux et les examinant de très près, j'aperçus deux lentilles de verre, rondes, convexes, totalement incolores, d'une eau si pure et si transparente que sans les traits menus et géométriquement réguliers de leurs contours, elles fussent demeurées complètement invisibles. Merveilleux travail ! M'écriai-je extasié. Vous avez sans doute fort longtemps peiné sur ces vers. Jeune homme, murmura Daniels dans un chuchotement effrayé, ce ne sont pas des vers mais des diamants. Celui qui est sorti de mon atelier pèse 30,5 carats, et celui de M. Mass 60 teddy carats. Je fus tellement stupéfait que je perdis mon habituel sang-froid. Des diamants ? Des diamants auxquels on a réussi à donner une table sphérique. Mais c'est un prodige. Je n'ai ni lu, ni ouï dire que jamais homme ait atteint pareil résultat. Ne vous ai-je pas affirmé que ces pièces étaient uniques au monde ? Reprit solennellement le joaillier. Toutefois, votre étonnement a lieu de me surprendre. Est-ce vraiment pour vous une nouveauté ? N'en avez-vous jamais entendu parler ? Jamais. Vous savez que le mystère le plus profond enveloppe l'entreprise à laquelle je collabore. Mr. Nitzel lui-même en ignore, tout comme moi, les arcanes. Tout ce que je sais, c'est que j'ai pris livraison dans différentes villes européennes de pièces et d'appareils destinés à quelques grandioses édifices dont je ne puis jusqu'à présent, en dépit de mon éducation scientifique, concevoir la destination. Daniels me fixa de ses yeux calmes et spirituels, couleur de tabac. un nuage passa sur son visage biblique. « Oui, oui, » fit-il lentement et pensivement après un court silence. « Vous semblez ne pas en savoir plus que nous. Je viens de vous scruter là, mais j'ai compris que, si même vous étiez au courant, vous ne consentiriez jamais à parler. « J'ai donné ma parole, monsieur Daniels, » répliquai-je le plus doucement possible. « Je sais, je sais. » Ne croyez pas, jeune homme, être arrivé complètement inconnu dans notre ville des émois et des brillants. Nous savons même, ajouta-t-il avec un fin sourire, qu'à Berlin vous avez failli jeter par la fenêtre un estimable conseiller de commerce. Comment l'histoire a-t-elle pu s'ébruiter, m'étonnais-je, puisque la scène n'a pas eu de témoin? Il faut que ce pourceau d'Allemand soit un incorrigible bavard. Un sourire énigmatique plissa le visage du juif. Il caressa lentement d'un geste significatif sa longue barbe. L'Allemand n'a eu garde de raconter sa mésaventure, mais nous l'avons connu dès le lendemain. Que voulez-vous? Des gens qui, comme nous, gardent dans leur coffre-fort blindé pour plusieurs millions d'objets précieux, à eux ou à leurs clients, sont bien forcés d'avoir leur police particulière. Et 3 jours après, Mr. Nixon était au courant. Il ne manquait plus que cela, m'écriai-je tout confus. Vous n'y avez rien perdu, jeune Anglais, bien au contraire. « Savez-vous l'opinion qu'a exprimée sur votre compte Mr. Nixon en apprenant l'affaire ?»« Je savais d'avance, a-t-il dit, que ce brave Dibble ne pouvait agir autrement. Quant à moi, je ne puis que féliciter Mr. Nixon et son principal commettant d'avoir trouvé un si fidèle mandataire. Quoique cela dérange certains de mes plans et mette bas mes espérances. »« Oui, » confirma le taciturne Mass. « Oui. » répéta le biblique Daniels, dont le visage s'embruma à nouveau de tristesse. « On nous a porté ces diamants à peu près dans l'état où vous les voyez actuellement, mais leur table, qui venait d'être détachée de la culasse, était rude et inégale. Nous les avons taillés avec plus de patience et d'amour que s'il se fût agi d'une commande d'empereur. Impossible de mieux faire. Mais il est une question que je ne cesse de me poser, moi, vieux professionnel, et l'un des meilleurs connaisseurs en pierres précieuses qui soit au monde. Comment ont-ils pu donner leur forme à ces diamants, et sans qu'on y aperçoive, regardez-les à la loupe, ni fêlure, ni tache, ni crapaud? À quelle température ont dû être portées ces reines des gemmes? À quelle colossale pression ont-elles été ensuite soumises? Je dois avouer, soupira tristement Daniels, que je comptais beaucoup sur votre venue et votre franchise. Excusez-moi. Je regrette beaucoup de ne pas être à même. Laissez, je sais. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter bon voyage. Le soir même, je quittai Amsterdam. Les agents préposés à ma surveillance se conduisirent en effet si discrètement que je ne pus soupçonner aucun passager de faire partie de ma garde secrète. Mais quand, vers minuit, je descendis dans ma cabine, je la trouvai occupée par un inconnu barbu et large d'épaule que je n'avais pas aperçu sur le pont. Dédaignant la couchette de réserve, il s'était enveloppé d'un plaid et reposait sur son pardessus étendu par terre près de la porte, un oreiller de caoutchouc sous la tête. Je lui fis remarquer avec une colère contenue que toutes les places de la cabine et toute sa contenance cubique d'air m'appartenaient intégralement, mais il me répliqua tranquillement et en fort bon anglais « Calmez-vous, sœur. J'ai ordre de passer cette nuit près de vous en qualité de fidèle dogue. Au reste, voici une lettre et un paquet de la part de M. Daniels. » Courte et aimable, la lettre du vieux juif disait « Ne refusez pas d'accepter, en souvenir de notre rencontre, la bague si jointe, cette amulette n'a pas grande valeur, mais préserve des dangers sur mer. Elle porte une inscription ancienne, dans la langue, je crois, des anciens Incas, Daniels. Le paquet contenait un rubis plat monté en bague et sur lequel apparaissaient gravés quelques signes étranges. Mon dogue ferma la cabine à clé, plaça son revolver à portée de sa main et s'endormit à ce qu'il me sembla sur le champ. « Merci, mon cher Mr. Dibble, » me dit le surlendemain Mr. Nixon, en me serrant la main à la brisée. « Vous avez fort bien exécuté toutes vos commissions, parfois assez compliquées, économisé pas mal de temps, et en outre, observé la dignité nécessaire. Reposez-vous pendant 8 jours, et amusez-vous comme vous l'entendrez. Dimanche soir, nous dînerons ensemble et partirons pour Southampton, et lundi matin, vous naviguerez sur l'océan à bord du splendide transatlantique la Croix du Sud. » À propos, n'oubliez pas de passer à l'étude. Mon clerc vous réglera vos frais de voyage et vous remettra 2 mois d'appointement. Quant à moi, je vérifierai et réemballerai solidement tous vos bagages. Il est dangereux de se fier à des mains étrangères, et pour l'emballage des objets fragiles, je n'ai probablement pas mon pareil dans tout Londres. Le dimanche suivant, je pris congé de l'excellent Mr. John Johnson et de sa nombreuse famille et partis accompagné de leurs souhaits les plus chaleureux. Et le lundi matin, Mr. Nitson et moi prenions le café dans la luxueuse salle à manger du paquebot géant La Croix du Sud. Un vent frais agitait la mer et les vagues vertes brisaient sur les hublots leurs crêtes moutonneuses. « Je dois vous prévenir, mon cher, me dit Mr. Nitson, que vous aurez un compagnon de voyage, un certain mystère de Mont-Doric, électricien et mécanicien de profession. Je l'ai entendu vanter en tant qu'excellent spécialiste et travailleur irréprochable. Personnellement, le gaillard ne me plaît guère, mais il est possible que je me laisse influencer par une antipathie préconçue et injuste, ou, pour parler franc, par une lubie de vieillard. Son père était d'origine française, mais naturalisé anglais, sa mère irlandaise. C'est le type banal du bel homme, fat, toujours occupé de sa petite personne et tournant sans cesse autour des jupes. Ce n'est pas moi qui l'ai choisi. J'ai obéi aux instructions de Lord Chelsbury, votre futur patron. De Mont-Doric arrivera ici 20 à 25 minutes par l'express de Cardiff et nous avons encore le temps de causer. En tout cas, je vous conseille d'entretenir avec lui de bons rapports. Malgré tout, vous allez passer en sa compagnie 3 ou 4 années au sommet d'un volcan éteint, le Cayambe, dans une contrée déserte de l'équateur où vous ne serez guère que 6 ou 7 blancs perdus dans un ramassis de nègres, métis, indiens et autres racailles. Si cette peu agréable perspective vous effraie, n'oubliez pas que vous êtes complètement libre. Nous pouvons à l'instant déchirer votre contrat et nous en retourner ensemble à Londres par le train de 11 heures. Croyez bien que votre refus ne diminuera en rien mon estime et mes bonnes dispositions à votre égard. Non, cher Mr. Nitson, je suis déjà sur le Cayambe, répliquai-je en riant. Depuis longtemps, j'aspirais à un travail régulier, particulièrement à un travail scientifique. Et lorsque je songe à mes futures occupations, je me pourlèche les babines comme un gueux de Whitechapel devant une vitrine de charcutier. J'espère que ma tâche sera suffisamment intéressante pour me préserver de l'ennui et de l'enlisement dans les commérages et les mesquines querelles. Oh, certes, mon cher, votre tâche sera fort belle, sublime même. Le moment est venu de vous révéler en toute franchise le peu que je sais. Depuis 9 ans, Lord Chelsbury travaille à une œuvre invraisemblablement grandiose. Il veut à tout prix arriver à condenser en un gaz la substance des rayons solaires et en comprimant ce gaz au moyen d'une colossale pression dans une température effroyablement basse, l'amener à l'état liquide. Si Dieu lui accorde le succès, son invention aura des résultats incalculables. Incalculables, répétai-je à voix basse, écrasé et enthousiasmé à la fois par les paroles de Mr. Nitson. C'est tout ce que je sais, continua l'homme d'affaires. Si pourtant Lord Chelsbury m'a récemment écrit que ses travaux touchaient à leur fin et qu'il doutait moins que jamais de leur heureux résultat. Il faut vous dire, mon cher ami, que Lord Chelsbury est un des flambeaux de la science, un grand inspiré, un des plus beaux génies qui ait jamais existé. Par ailleurs, c'est un véritable aristocrate de naissance et d'esprit, un philanthrope désintéressé, un maître aimable et patient, un délicieux causeur et un fidèle ami. Sa beauté morale est si fascinatrice qu'elle lui attire tous les cœurs. Miss Nitson interrompit brusquement son panégyrique. « J'aperçois votre compagnon de route sur la passerelle, reprit-il sèchement. Prenez cette enveloppe, elle contient de l'argent, vos billets et l'indication exacte de l'itinéraire à suivre en débarquant. Votre traversée durera de 16 à 18 jours. Dès demain, vous aurez le spleen. En prévision, j'ai fait porter dans votre cabine 30aine de bouquins. J'ajoutais à vos bagages une valise contenant des vêtements chauds et des chaussures fourrées. Vous ne pouviez pas savoir que vous alliez vivre à l'altitude des neiges éternelles. J'ai tâché de prendre tous ces effets à votre mesure, mais pour ne pas me tromper, j'ai préféré les choisir plus larges qu'étroits. Parmi vos petits colis, vous trouverez une caissette renfermant des remèdes contre le mal de mer. À vous parler franc, je les crois peu opérants, mais vous pouvez toujours essayer. La mer vous cause-t-elle des vertiges ? Oui, mais peu douloureux. D'ailleurs, je possède un talisman contre tous les dangers sur mer. Je lui montrai le rubis, cadeau de M. Daniels. Il le considéra avec attention, secoua la tête et dit pensivement « J'ai vu quelque part une pierre de ce genre, portant, je crois, une inscription identique. » mais votre compagnon nous aperçut et se dirige de notre côté. De tout cœur, mon cher monsieur Dibble, je vous souhaite bonne traversée, bon courage et bonne santé. Ah, bonjour, Mr. de Monderic. Faites connaissance, messieurs, Mr. Dibble, Mr. de Monderic, futurs collègues et collaborateurs. Grand, maigre, pimpant et efféminé, ce Merle Flore ne me plut guère non plus. On sentait dans tout son être et dans tous ses mouvements la force gracieuse, souple et nonchalante des grands fauves. Ses beaux yeux sombres et humides, ses petites moustaches noires, coupées court, sur une bouche rouge de dessin antique, lui donnaient un vague aspect levantin. Nous échangeâmes quelques compliments insignifiants. À ce moment, une cloche tinta sous le tiac, et la sirène ébranla le pont d'un farouche mugissement. « Eh bien, messieurs, adieu, » dit Mr. Needleston. « Je souhaite que vous deveniez bons amis. Mes compliments, alors, Charlesbury. Bonne traversée. Au revoir. » Il descendit rapidement la passerelle du vapeur, sauta dans un cab qui l'attendait sur le quai, esquissa dans notre direction un dernier geste aimable et disparut sans plus se retourner. Je ne sais pourquoi je me sentis pendant quelques minutes envahi d'une tendre mélancolie, comme si la disparition de cet homme me privait d'un ami dévoué et d'un soutien moral. Autant que je me souvienne, notre traversée ne fut marquée d'aucun événement saillant. Ces 17 jours me parurent alors 170 années, mais quand j'en évoque l'ennui, je me les représente comme une seule et unique journée interminablement monotone. Je retrouvais de Monderic à l'heure des repas. Aucune intimité ne se noua entre nous. Il se montrait envers moi d'une froide politesse à laquelle je répondais par une indifférente prévenance. J'eus tôt fait de comprendre qu'il ne s'intéressait pas plus à ma personnalité morale qu'à celle de qui que ce fût au monde. Mais lorsque la conversation venait à tomber sur nos études spéciales, j'étais littéralement ébloui de la profondeur de ses connaissances, de la hardiesse et de l'originalité de ses hypothèses et surtout de la précision pittoresque avec laquelle il exprimait sa pensée. J'essayais de lire les bouquins que m'avait laissés Mr. Needleston. C'était pour la plupart des ouvrages scientifiques traitant tout au long la théorie de la lumière et des lentilles, renfermant des observations sur les hautes et les basses températures, ou décrivant des expériences de condensation et de liquéfaction des gaz. Il y avait aussi quelques récits de voyages célèbres et deux ou trois études sur les républiques équatoriales de l'Amérique du Sud. Mais je dus renoncer à la lecture, car un vent violent ne cessa de souffler et le vapeur roulait et tanguait furieusement. Tous les passagers payèrent leur tribut au mal de mer, sauf de Monderic, qui, malgré sa haute taille et son air efféminé, se tint jusqu'au bout comme un vieux loup de mer. Nous arrivâmes enfin à Aspinwall, alias Colon, au nord de l'isthme de Panama. Quand je descendis à terre, mes jambes étaient lourdes et refusaient de m'obéir. Suivant les recommandations de Mr. Needleston, nous surveillâmes le transport de nos bagages du port à la gare et leur chargement dans le fourgon. Nous prîmes dans notre compartiment les instruments les plus sensibles et les plus délicats. Je portais bien entendu sur moi les précieux diamants, mais j'ai maintenant honte de l'avouer, je ne les montrais pas à mon compagnon et ne lui en soufflais mot. Notre voyage devint fatigant et par suite peu intéressant. D'Aspinwall à Panama en chemin de fer, de Panama à Guayaquil, deux jours de traversée sur un vieux sabot branlant, le Gonzales, de Guayaquil à Quito, à cheval et en chemin de fer. À Quito, nos instructions portaient de descendre à la Posada del Ecuador. Une caravane de guides et de muletiers nous y attendait. Le lendemain, au petit jour, nous nous mîmes en route. Quelle bonne et intelligente bête que ces mules! Secouant leurs grelots, balançant en mesure leurs têtes tournées de rosettes et de plumets, posant attentivement sur le sentier étroit, pierreux et inégal, leurs longs et hauts sabots, elles longeaient tranquillement l'abîme et côtoyaient de si près les précipices les plus escarpés que nous fermions involontairement les yeux et nous cramponnions aux pommeaux de nos selles. À 5 heures du soir, nous atteignîmes la zone des neiges. Le chemin s'élargit et s'aplanit. On devinait que des êtres civilisés y avaient travaillé. Une balustrade de pierre peu élevée surplombait les escarpements par trop raides. À 6 heures, au débouché d'un petit tunnel, nous aperçûmes subitement quelques constructions à un étage que dominait fièrement une coupole blanche semblable à celle des observatoires ou des églises byzantines. Un peu plus loin, des cheminées de fer et de briques dressaient leurs bras vers le ciel. au bout d'un quart d'heure, nous étions arrivés. Sur le seuil d'une maison plus élevée et plus spacieuse que les autres, apparut un grand sec vieillard à longue barbe blanche immaculée. Il se nomma Lord Chelsbury et nous salua avec une cordiale politesse. Son aspect extérieur ne laissait pas deviner son âge. On pouvait tout aussi bien lui donner 50 ans que 75. Il avait de grands yeux bleus, légèrement proéminents, de vrais yeux d'anglais de vieille souche, vifs, clairs, perçants. Sa poignée de main était chaude, franche, virile. Des lignes de noble et élégant contour sillonnaient son front large et élevé. J'admirais la finesse de ses traits, et soudain j'eus l'impression très nette que ni le nom ni la physionomie de cet homme ne m'étaient inconnus. « Votre venue me réjouit infiniment, nous dit Lord Chelsbury, gravissant avec nous les marches du perron. Avez-vous fait bon voyage ? Comment va, mon vieil ami Lidson ? Quel homme admirable, n'est-ce pas ? Mais vous me raconterez tout cela pendant le dîner. En attendant, messieurs, je vous laisse vous rafraîchir et vous installer. Notre maître d'hôtel, le respectable Sambo, il nous indiqua un vieux nègre de haute taille qui nous attendait dans le vestibule, va vous montrer vos chambres. Nous dînons à cette heure précise. » Le respectable Sambo nous conduisit fort aimablement, mais sans l'ombre de servilité, dans une maisonnette voisine. Chacun de nous avait à sa disposition trois chambres, simples, mais délicieusement claires, gaies, confortables. Un mur de pierre séparait nos appartements, et chacun d'eux possédait son entrée particulière. Cette circonstance me fut, je ne sais pourquoi, agréable. J'éprouvais une indescriptible jouissance à me plonger dans une baignoire de marbre. Sur le vapeur, la houle m'avait privé de ce plaisir, et dans les hôtels de Cologne, Panama, Quito, la propreté des baignoires n'eût pas inspiré confiance à mon ami John Johnson lui-même. Pendant tout le temps du bain chaud, de la douche froide et de ma toilette, que je soignais tout spécialement, je fus poursuivi par une pensée lancinante. Pourquoi donc le visage de Lord Chelsbury me paraît-il si familier ? Et à quel récit fantastique ai-je entendu mêler son nom ? Parfois, dans un coin caché de ma conscience, une vague lueur semblait vouloir éclairer mes souvenirs, mais elle disparaissait rapidement comme la trace d'un souffle léger à la surface de l'acier poli. Des fenêtres de mon cabinet, on apercevait toutes les bâtisses de cet original village. 5 ou 6 maisons, des écuries, des serres, des hangars à machines bas et enfumées, une masse de fils aériens, des wagonnets tirés sur une voie étroite par des mules alertes et vigoureuses, des grues à vapeur balançant rythmiquement en l'air des bennes de fer remplies de charbon et de schiste. Ici et là, se démenaient des ouvriers, demi-nus pour la plupart, bien que le thermomètre fixé au châssis extérieur de ma fenêtre marquât -5 degrés, et presque tous de couleurs différentes, blanc, jaune, bronze, café et noir d'ébène. Vraiment, me dis-je, il a fallu être doué d'une puissante volonté et posséder une fortune colossale pour pouvoir transformer le sommet infertile d'un volcan éteint en un centre de civilisation avec ateliers et laboratoires, ici à l'altitude des neiges éternelles des pierres, des arbres et du fer, amener de l'eau, construire des maisons et des machines, installer de précieux instruments de physique, parmi lesquels les deux lentilles que j'apporte coûtent à elles seules 1 300 000 francs, engager des dizaines d'ouvriers, faire appel à des collaborateurs généreusement rémunérés. De nouveau la figure de Lord Chelsbury se dessina avec un relief intense dans mon imagination et soudain, stop, une lumière subite illumina ma mémoire. Je me rappelais fort exactement qu'une 15aine d'années auparavant, peu après mon entrée au collège, tous les journaux avaient, durant un mois entier, corné sur tous les tons la disparition extraordinaire, mystérieuse, de Lord Chelsbury, pair d'Angleterre, dernier représentant d'une très ancienne famille, savant célèbre et richissime millionnaire. Toutes les feuilles imprimèrent son portrait et commentèrent les motifs de cet étrange événement. Selon les uns, Lord Chelsbury avait été assassiné, selon les autres, quelques malfaiteurs l'avaient hypnotisé et contraint, dans un but criminel, à quitter l'Angleterre sans laisser de traces. D'autres encore le croyaient aux mains de bandits qui le retenaient prisonnier dans l'espoir d'une énorme rançon. Enfin, les plus perspicaces prétendaient que le grand savant avait entrepris une expédition secrète au pôle Nord. On apprit bientôt qu'avant sa disparition, Lord Chelsbury, conseillé, semblait-il, par quelques financiers habiles et clairvoyants, avait fort avantageusement réalisé et transformé en argent liquide tous ses palais, parcs, tableaux, collections, terres, forêts, fermes, mines de charbon et de kaolin. mais personne ne put savoir ce qu'étaient devenus ces immenses capitaux, non plus que les diamants de la famille Shaftesbury, dont l'Angleterre tout entière s'enorgueillissait à juste titre. Toutes les recherches de la police et des détectives privés ne jetèrent aucun jour sur cette ténébreuse affaire. Au bout de 2 mois, la presse et l'opinion, absorbées par d'autres nouvelles sensationnelles, l'oublièrent. Seules les revues scientifiques, qui consacrèrent de nombreux articles à la mémoire du disparu, ne cessèrent pendant longtemps encore de rappeler, avec une émotion respectueuse et une pénétrante compréhension, ses grands services envers la science dans le domaine de la lumière et de la chaleur. Dilatation et condensation des gaz, thermostatique, thermométrique, thermodynamique, réfraction des rayons lumineux, théorie des lentilles et phosphorescence. Le grondement traînant et lugubre d'un gong interrompit mes réflexions, et presque en même temps, je vis entrer un petit négrillon, gai et leste comme un singe. Il me salua, et souriant amicalement, « Sœur, dit-il, Lord Shaftesbury m'a mis à votre disposition. Le dîner est servi, sœur. » Sur la table de mon salon, un élégant bouquet trempait dans un vase de porcelaine. Je choisis un gardénia et le passai à la boutonnière de mon smoking. En sortant, je me croisai avec Mister de Monderic. Une humble marguerite ornait modestement le revers de son habit. Un mécontentement confus sourdit en moi, et sans doute étais-je encore, à cette époque lointaine, accessible à une puérile frivolité, car je me consolais en remarquant que Lord Shaftesbury, qui nous accueillit au seuil de son salon, portait, comme moi, un smoking. « Lady Shaftesbury viendra dans un instant, » dit-il en jetant un regard sur la pendule. « Je vous propose, messieurs, de dîner chaque soir chez moi. Pendant et après le repas, nous aurons bien 2 ou 3 heures à consacrer à quelques causeries sérieuses ou badines. À propos, nous avons ici une bibliothèque, un jeu de quilles, un fumoir et une salle de billard. Veuillez en disposer comme de tout ce que je possède. Pour le breakfast et le lunch, je vous laisse pleine liberté. Au reste, il en va de même pour le dîner. Mais je sais combien la fréquentation des dames est utile et précieuse aux jeunes Anglais, et c'est pourquoi. » Il se leva et désigna une porte par laquelle entrait à cet instant une jeune femme bien faite, aux cheveux d'or, accompagnée d'une autre personne de sexe féminin, à poitrine plate et teint jaunâtre, tout de noir habillée. « C'est pourquoi, Lady Shaftesbury, j'ai le plaisir de vous présenter mes 2 futurs collaborateurs et, j'espère, amis, Mr. Dibble et Mr. de Monderic. » « Miss Oatley, continua-t-il en s'adressant à la vieille dame, parente éloignée dame de compagnie de Lady Shaftesbury, comme nous l'apprîmes plus tard, je recommande à vos aimables prévenances Mr. Dibble et Mr. de Monderic. » Pendant le repas, à la fois simple et recherché, Lord Shaftesbury se montra le plus cordial des hôtes et le plus brillant des causeurs. Il s'enquit avec un vif intérêt des nouvelles politiques et scientifiques, s'informa de la santé de tel ou tel homme célèbre. Au reste, si étrange que cela puisse paraître, il se révéla beaucoup mieux informé que nous deux. En outre, il faut avouer que sa cave était vraiment au-dessus de tout éloge. Je jetai de rares, furtifs et rapides coups d'œil à Lady Shaftesbury. Elle prenait à peine part à la conversation et se contentait de lever de temps à autre ses sombres cils du côté de la personne qui parlait. Elle était beaucoup, beaucoup plus jeune que son mari. Dans le cadre d'une épaisse chevelure dorée, son beau visage pâle, qu'avait jusqu'alors épargné le hâle équatorial et qu'animait des yeux bleus, sérieux, presque tristes, resplendissait d'une étrange et malsaine beauté, depuis sa taille fine et harmonieuse prise dans un fourreau de soie blanche jusqu'à ses mains blanches, délicates, aux doigts longs et frêles. Tout son extérieur rappelait une fleur exotique, rare, magnifique et peut-être vénéneuse, poussée sans lumière dans une serre humide et obscure. Je m'aperçus que Mr. de Monderic, assis en face de moi, caressait souvent la maîtresse de maison d'œillades significatives qui se prolongeait peut-être une demi-seconde plus longtemps que les convenances ne l'eussent permis. Tout en lui me devenait de plus en plus désagréable. La mollesse mignarde du visage et des mains, la langueur fade et comme enveloppant des yeux, la désinvolture des poses, des mouvements, des intonations. Je le trouvais répugnant pour mon goût viril, tout en reconnaissant qu'il réunissait en lui tous les traits et toutes les qualités du séducteur né, volonté cruelle et peu délicat dans le choix de ses moyens d'action. Après dîner, quand tous furent passés dans le salon et que Mr. de Monderic eut demandé la permission d'aller fumer, je remis à Lord Shaftesbury les écrins en diamant et lui dis, « De la part de Mass et Daniels d'Amsterdam, Vous les avez apportées sur vous ? Oui, Milord. Vous avez bien fait. Ces deux pierres ne sont plus précieuses que tout mon laboratoire. » Il alla prendre dans son cabinet une loupe à octuple grossissement et considéra longuement et attentivement les diamants à la lueur d'une lampe électrique, puis les remettant dans leurs écrins, il déclara sur un ton satisfait mais parfaitement calme « La polissure est vraiment irréprochable et d'une exactitude idéale. Je vérifierai dès ce soir les proportions des lentilles et la courbe de leur surface et demain matin, Mr. Dibble, nous les mettrons en place. Jusqu'à 10 heures, je m'occuperai de votre collègue, Mr. de Monderic, et lui montrerai son futur domaine. À 10 heures, je vous prie de bien vouloir m'attendre chez vous. J'irai vous prendre. Ah, mon cher Mr. Dibble, je pressens que nous ferons sérieusement avancer une des plus belles œuvres que jamais entreprise le plus grand des êtres, l'Homo sapiens. » Pendant qu'il parlait, ses yeux brûlaient d'une flamme bleue et ses mains caressaient amoureusement les écrins. Cependant, sa femme fixait sur lui un regard profond, sombre, insondable.